vais vous dire un truc, selon moi. J'ai beau regarder autour de moi, je n'admire personne plus que moi. À la manière d'Alain Delon, j'ai chopé un sacré melon. Depuis que je fais des chansons, j'accepte les dithyrambes sans la moindre équivoque. Pourvu qu'on chante en chœur, qu'on danse en mon honneur, le mégalo rock, même si l'on feint de m'ignorer. Croyez pas que je me sois trompé, cela confirme mes pensées. Car si les braves gens avaient un petit peu de ma lucidité, certainement ils m'admireraient. Les discussions me lassent, à l'exception des soliloques. Je préfère qu'on chante en chœur, qu'on danse en mon honneur. Ouh, le mégalo rock. De me contempler, oh, je me plais, oh oui, je me plais. Mais j'ai quand même mes petits problèmes, en effet tellement je m'aime. Je deviens jaloux de moi-même. Que de Buenos Aires à Vladivostok, je veux qu'on chante en chœur, qu'on danse en mon honneur, le mégalo rock. Je vais vous dire un truc, selon moi, j'ai beau regarder autour de moi, je n'admire personne plus que moi. Je n'admire personne plus que moi. Encore une fois, je n'admire personne plus que moi.